Découverte Fun Radio. About to land after years of joy. Life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground hard to walk again. You told me how to fly. You drove my hand. You saved me, saved me. Et la journée en mode dance floor avec dans quelques secondes Dua Lipa, Amir ou encore le titre de Imani et Don't Be So Shy sur Fun. Soyez les bienvenus. Fun Radio. Il est 6h sur Fun Radio, on s'informe en ce lundi 22 août 2016 avec Benjamin Verporten. Salut Benja. Bonjour Anto, bonjour à tous. Les Jeux Olympiques se sont clôturés cette nuit vers 3h après une cérémonie de clôture dédiée à l'art brésilien. Nafissa Toutiam était notre porte-drapeau durant cette cérémonie. Le bilan belge est positif avec 6 médailles, dont 2 en or. Un résultat qui place notre pays à la 35e place du classement des médailles, classement remporté par les États-Unis avec 121 médailles. Viennent ensuite la Grande-Bretagne et la Chine. Le Brésil, pays organisateur, finit 13e de ce classement avec 19 médailles. Les prochains Jeux se dérouleront à Tokyo en 2020. Le village olympique des fans du COIB, la Rio House d'Ostende, a également fermé ses portes. Durant les Jeux, le village a accueilli quelques 50 000 personnes. Selon l'organisation, le village des supporters a été un réel succès. Elle estime à 2500 le nombre de visiteurs quotidien avec des pics comme lors de la finale du hockey. Le dernier jour s'est également conclu dans un esprit festif. Le judoka Dirk Van Tickelt a symboliquement transmis la flamme olympique aux athlètes paralympiques via le tennisman Joachim Guérard. Une centaine d'athlètes étaient présents pour souhaiter beaucoup de succès à leurs homologues paralympiques, dont les Jeux débuteront le mois prochain. Matteo Renzi, Angela Merkel et François Hollande vont chercher les moyens de relancer une Europe en pleine crise d'identité. La décision britannique de quitter l'Union européenne, le Brexit et ses conséquences sur l'avenir de l'Union européenne ont très vite rassemblé les dirigeants français, italiens et allemands. L'objectif est donc de relancer l'Europe pour les trois leaders affaiblis, aux prises avec des difficultés internes et face à des échéances électorales imminentes, avec donc des marges de manœuvre très restreintes, comme le décrit l'éditorialiste d'un quotidien italien. En football, on disputait ce week-end la quatrième journée en division 1A et on vous rappelle les nuls entre le Standard et Charleroi, entre Eupen et Anderlecht, Zulte-Waregem et Ostende et enfin entre Beveren et Malines. On notera également la défaite du FC Bruges face à Courtrai et enfin les victoires de Moucron sur Saint-Tron, de Genk à Lokeren et de la Gantoise face à Westerlo. Au classement général, Zulte-Waregem reste en tête avec 2 points d'avance sur Anderlecht, la Gantoise et Charleroi. Le FC Bruges et le Standard sont respectivement 7 et 8e. Fun Radio. Dans un instant, c'est Dua Lipa qui arrive sur Fun Radio ainsi que Amir. J'ai cherché juste avant, côté météo, est-ce que la semaine s'annonce correcte, Benjamin? Eh bien, la semaine s'annonce correcte puisque les quelques pluies présentes ce matin vont laisser place à un temps généralement sec durant l'après-midi et ça progressera jusque jeudi. Et puis vendredi, eh bien, ce sera le retour des pluies avec un week-end plutôt orageux. Et les maxima de la journée seront compris entre 18 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et localement 24 degrés dans l'ouest du pays. Et les prochaines infos, c'est à 7h30. Tout de suite, le retour du son dance floor avec Imani sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Tous les matins, c'est Summer Fun avec Anto sur Fun Radio. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. My clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. 6h06 sur Fun Radio, soyez les bienvenus. Amir, j'ai cherché, c'est le titre qui a représenté la France à l'Eurovision et qui cartonne. Je vous le balance dans un instant. Le temps pour nous de démarrer cette dernière semaine de l'été. Comment ça va bien, Coralie? Ça va et toi? Tu imagines, déjà dernière semaine, ça fait bader quand même. C'est passé super vite. C'est passé super vite. J'espère que vous avez bien profité de vos vacances, vous avez bien profité du soleil, parce que oui, on a eu quand même du soleil. Hein. On parle toujours de la Belgique, mais on a eu quand même de belles températures ici pour profiter de l'été. On vous a accompagné tous les jours entre 6h et 9h. Et bonne nouvelle, nous sommes encore là jusque vendredi avec plein de surprises, plein de cadeaux. On a justement des soins relaxants à vous offrir toute la semaine. C'est super original, je trouve. Et ça fait du bien pour terminer l'été, pour bien reprendre le début de la saison, Coralie. Mais avant toute chose, quoi de mieux pour bien démarrer la journée que faire un tour du côté de l'éphéméride du jour? C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Nous sommes le lundi 22 août 2016 déjà. Oui, 235e jour de l'année et nous débutons la 34e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. Aujourd'hui, on souhaite une bonne fête à Fabrice, à Marie-Reine et à Saint-Forian. Bonne fête à vous les amis. Et puis les stars également sont nées ce lundi 22 août. Mats Wilander, qui fête aujourd'hui ses 52 ans, c'est un ancien joueur de tennis suédois professionnel qui est né il y a 52 ans aujourd'hui, évidemment. Micheline Prels, qui elle fête ses 94 ans. Bah, c'est une actrice française et c'est une des légendes vivantes du cinéma français, en fait, parce qu'avec grâce à la longévité de sa carrière, donc elle a vraiment marqué les esprits grâce à ça. 94 ans déjà, c'est pas mal. Hein. Déjà, entre autres. Et puis c'est l'anniversaire de Laurent Lafitte qui fête ses 43 ans. C'est un acteur français qui a joué notamment dans Papa ou Maman De l'autre côté du périph. Effectivement, bon anniversaire à vous les amis si vous nous écoutez ce matin. Et puis Coralie, si on a envie de souhaiter l'anniversaire d'un proche, comment ça se passe? Il vous suffit d'envoyer Anif par SMS au 3044, c'est 50 centimes par message. Et on vous rappelle là, juste après, les 6h08, vous êtes sur Fun Radio, voici Amir et J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné. You are my high divina. Merci d'être sur Fun. Comme toutes les semaines, on a du cadeau à vous offrir, Coralie. Et cette semaine, on vous offre un séjour détente. On vous offre vos soins pour deux personnes avec accès aux thermes et massage du corps. Tout ça au terme de Grimbergen. Alors, je trouve que c'est vraiment parfait pour débuter la rentrée. On peut encore se croire un petit peu en vacances et surtout pas de stress. Donc, si vous souhaitez repartir avec ce cadeau, envoyez beauté par SMS au 6322. C'est 1€ par message. Et bonne chance à vous. 6h15 sur Fun. Voici Dua Lipa et Odeur d'un L. I make him wanna sin. Every time I knock, he can't help but let me in. Must be homesick for the real. All the realest it gets. He probably still adore me. With my hands around your neck, can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. The darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'll give you the pleasure heaven, and I'll give it to you hotter than hell. You're my matter from heaven. We all gotta get fed. Can't let me know I'm wanted. Can't let me in your head. I'm not here to make you kneel, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Now I finish with you, yeah, no. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. The darkest side of me that makes you feel so numb. Cause I'm high like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'll give you the pleasure heaven, and I'll give it to you hotter than hell. Hotter than hell. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous écoutez Summer Fun. Et dans quelques petites secondes, c'est Kung, c'est This Girl qui arrive. Et c'est juste après ça. Bonne ou mauvaise nouvelle, comment va se passer votre journée? C'est l'Héroscope sur Fun Radio. Et comme chaque jour, Coralie, tu as consulté les astres pour nous. On commence avec nos amis les Béliers. Un programme amoureux sans problème. Pour une fois, vous commencez bien la semaine. Les Taureaux. Balancez vos arguments haut et fort, ils seront enfin entendus. Les Gémeaux, Coralie. Ne vous attendez à rien, mais prenez les devants surtout. Les Cancers. Cette journée est remplie de bien-être et de sensations à dormir debout. Les Lions. Vous avez un feeling plutôt sécurisant et réconfortant avec votre moitié. Les Vierges. Ne vous cachez pas derrière les mensonges, vous ne ferez qu'empirer la situation. Les Balances. La routine n'a pas que du bon, alors déviez de votre trajectoire. Que se passe-t-il pour les Scorpions ce matin? La couleur de la journée vire au gris, écoutez plutôt votre intuition plutôt que votre entourage. Les Sagittaires. Et ce n'est pas le moment de vous poser trop de questions, vivez au jour le jour. Attention aux Capricornes. La tête dans les nuages, vous aurez attention de ne la tête dans les nuages, vous aurez attention de ne pas vous poser, de pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Les Verseaux. La petite bête est seulement dans votre tête, vous devez être plus amusant si vous voulez être plus attirant. Et les Poissons pour terminer. Il vaut mieux dire ce que vous avez sur le cœur, cher ami Poisson. Ça c'est vrai. La sincérité c'est ce qui gagne les amis, la communication également. Alors soyez-y attentifs. Il est 6h19 Coralie et aujourd'hui on parle de la rentrée scolaire parce que oui, dans une semaine on y est déjà. Quel a été votre cours que vous aviez détesté le plus au monde? On en parle aujourd'hui justement. Et nous Coralie, qui sommes des fans de cours, on va avoir du dos à vous offrir. Oh. Juste avant c'est Kung sur Fun. I'm gonna wreck your back.

Je fais des efforts et toi t'es pas content. Prends sur moi quand tu prends les devants. Surtout, ça me rend fou. Tu fais ta princesse pour le style. Je me demande si t'es là pour ma maille. Je m'en fous. Mais quand je te vois, je suis censé rester cool. Ma belle, t'es pas du genre à venir en taxi. Le chauffeur t'a déposé toi et ta beauté. Mate le tapis que je suis en train de te dérouler avec classe. Mais je n'ai pas le temps, car un minute tout s'efface comme Cendrillon. Si le courant passe, mon carrosse est devant, mais... Et je suis censé rester cool. So fresh and so clean, try and get a vibe but keep it low key. I said don't worry, the drinks is on me. And how to keep cool when this chick is so real. Damn, blown off the meter. Repeat to myself, keep calm when you meet her. Don't need to get drunk to talk, but with that juice in your truck. How am I supposed to keep my... Ne bougez pas, le son Dance Floor continue dans un instant avec les Belges Lost Frequencies, c'est Laden Masmo ainsi que Jonas Blue et Perfect Strangers sur Fun. Mais juste avant ça, il est 6h29 sur Fun, l'heure pour nous de faire un tour du côté de l'actu avec Benjamin Verporten. Salut Benja. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Les Jeux Olympiques se sont clôturés cette nuit vers 3h après une cérémonie de clôture dédiée à l'art brésilien. Nafissa Toutiam était notre porte-drapeau durant cette cérémonie et le bilan belge est positif avec 6 médailles dont 2 en or. Un résultat qui place notre pays à la 35e place du classement des médailles, classement remporté par les États-Unis avec 121 médailles. Viennent ensuite la Grande-Bretagne et la Chine. Le Brésil, pays organisateur, finit 13e de ce classement avec 19 médailles. Les prochains Jeux se dérouleront à Tokyo en 2020. Le village olympique des fans du COIB, la Rio House d'Ostende, a également fermé ses portes. Durant les Jeux, le village a accueilli quelques 50 000 personnes. Selon l'organisation, le village des supporters a été un réel succès. Elle estime à 2500 le nombre de visiteurs par jour, avec des pics comme lors de la finale du hockey. Le dernier jour s'est également conclu dans un esprit festif. Le judoka, Dirk Van Tickelt, a symboliquement transmis la flamme olympique aux athlètes paralympiques via le tennisman Joachim Gérard. Une centaine d'athlètes olympiques étaient présents pour souhaiter beaucoup de succès à leurs homologues paralympiques, dont les Jeux débuteront le mois prochain. La ville de Bruxelles avait proposé au commerce de City 2 et de la rue Neuve de Bruxelles d'ouvrir tous les premiers dimanches du mois. Après avoir testé, ils ont décidé il y a quelques semaines d'arrêter les frais. Ils ne réouvriront le dimanche que pendant les soldes et pendant les périodes de fêtes. Les galeries royales un peu plus loin sont dans une situation bien meilleure avec d'autres types de commerces qui attirent une autre clientèle, plus touristique. Les magasins de luxe ne désemplissent pas durant les jours fériés. Et enfin, à Berkem-Sainte-Agathe, eh bien, il va y enfin y avoir une nouvelle école secondaire. Malgré ses 25 000 habitants et une population en forte croissance ces dernières années, Berkem-Sainte-Agathe n'avait jusqu'à présent aucune école secondaire francophone sur son territoire. Une situation qui obligeait les élèves à choisir un établissement secondaire à Ganzoren, Molenbeek, Jet ou Kuckelberg dès la fin du primaire. À la rentrée 2017 devrait changer la donne. Berkem-Sainte-Agathe s'est en effet associé à Molenbeek pour créer une école secondaire commune. Celle-ci sera composée de 2 implants dont la première est déjà connue. Elle sera située à Molenbeek, mais à la limite de Berkem-Sainte-Agathe. Fun. Fun Radio. Dans un instant, c'est Lost Frequency, c'est la danoise Mo que je vous joue sur Fun Radio. Juste avant, côté météo, est-ce que tu as des bonnes nouvelles pour nous pour bien démarrer la semaine? Eh bien oui, les quelques pluies présentes ce matin vont laisser place à un temps généralement sec durant l'après-midi et ça va progresser jusque jeudi où on aura vraiment une superbe journée ensoleillée. Aujourd'hui, les maxima seront compris entre 18 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et localement 24 degrés dans l'ouest du pays. Prochaines infos à 7h, tout de suite le retour du son Dance Floor avec Jonas Blue sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Summer Fun. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the land will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the land will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Bon réveil sur Fun, 6h35. Dans un instant, c'est mon coup de cœur du moment que je partage avec vous ce matin. La danoise Mo et Final Song. Dans une semaine déjà, Coralie, c'est la rentrée scolaire pour nos amis les étudiants. Ça passe très très très très vite. Et puis pour ceux qui ont une seconde session également, c'est l'exemple de notre ami Benjamin qui est là. Toi, c'est demain même. C'est demain, oui. Demain déjà, est-ce que tu es prêt? Absolument pas. C'est super mignon parce que vous ne voyez pas, mais entre chaque flash, il révise son vocabulaire pour être sûr d'être au taquet demain. On fera une interro surprise avant 9h, tu verras, pour voir si tu as bien révisé. Comme quand tu avais 14 ans, ta maman t'interrogeait, on verra si tu as bien étudié. Toi, Coralie, est-ce qu'il y a un truc à l'école qui te manque pas du tout? Tu vois, quand on était sur les bancs de l'école il y a quelques années tous les deux, on se disait ouais, l'école. Est-ce que là maintenant il y a un truc que tu ne regrettes? Mais alors, pas du tout. Les mathématiques. Les maths. Je ne le regrette pas du tout. Ça n'a jamais été ton truc. Ah non, je les déteste. Ah moi aussi, pareil. Du fond du cœur, si jamais je pouvais les jeter dans des toilettes et tirer la chasse. Je sais pas, franchement non, je peux c'est pas. Comme, les maths, c'est comme les intellos qui prennent sciences fortes, maths fortes, 8 heures semaine. Ah non, mais les sciences, j'adore. Les sciences, c'est super bien. Je pourrais faire 10 heures de sciences par semaine et je faisais 10 heures de sciences par semaine. Mais les maths, non, impossible. Ouais, mais j'allais dire, moi j'avais maths fortes. Les maths 8 heures semaine, c'est pas possible quand même. Non, moi je comprends pas ce qui arrive, je ne. Non. Je sais pas, moi rien qu'à penser maintenant à me dire que dans une semaine ça aurait pu être la rentrée, je me dis que ça me déprime. Voilà, je sais pas, je pense tout de suite en négatif. Vous, est-ce que vous avez un cours comme ça ou une chose qui vous fait bader directement lorsque vous pensez en cours? Par exemple, le dimanche, mon truc, juste avant le lundi, c'est le cours de gym. Lundi, c'était cours de gym tout le temps et le dimanche, je badais. Je me dis, c'est pas possible, demain c'est gym. Et ça me déprimait mon dimanche. Est-ce que vous, là maintenant, vous pensez à quelque chose qui vous dit, ah non, les cours c'est pas possible? Réagissez par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS ou encore via la page Facebook de l'émission. Voici Mo sur Fun. When you wait, when you stay, at least down till the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Ooh.

total lots of bliss. Total lots of bliss. Total lots of bliss. A kid again, total lots of bliss. J'espère que tout se passe bien pour vous qui êtes de l'autre côté de la radio à 6h54. Je vous prépare une toute nouvelle bombe là à l'instant. Le duo DJ Snake et Justin Bieber, Let Me Love You, c'est ce qui arrive. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. À 6h57 sur Fun, Martin Solveig, Do It Right, c'est ce qui arrive côté Son and Spur dans un instant. Le temps pour nous de parler du sujet du jour. Coralie, nous sommes déjà à presque 7 jours de la rentrée scolaire, ce qui nous fait un peu déprimer parce qu'on s'imagine, on se rappelle nous quand on avait 15 ans et qu'on était sur les bancs de l'école, on se disait ah purée, ça va être la rentrée, c'est pas top. Ou encore les secondes sessions comme notre ami Benjamin qui évidemment on va laisser étudier dans son coin le temps que on fasse notre speak rentrée scolaire. On voit, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, en fait Benjamin qui est notre journaliste a aussi une seconde session à partir de demain en néerlandais. En néerlandais, exactement. Et donc entre ses flashs, une fois qu'il est prêt, bah, il révise son petit vocabulaire comme un petit enfant tout sage. Et donc justement on va lui faire une interro surprise avant 9h, donc on va le laisser réviser un petit peu. Coralie, on a eu quelques réactions via les SMS au 3044 parce que franchement les cours et la rentrée scolaire ça touche franchement tout le monde. Ok, mais juste avant de les lire, juste une petite question pour toi, ton avis, quel est le cours qui est le plus revenu? Le cours qui est le plus revenu, j'hésite entre deux, entre le cours de gym parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui le détestent, ou les cours de maths. Ah bah c'était les cours de maths qui sont le plus revenus par SMS. Sinon on nous dit aussi le français, je détestais la biologie. On nous dit moi ce que je déteste le plus pendant l'année scolaire c'est les retenues. Ah bah oui. Évidemment, surtout si tu es adepte pour en savoir. On nous dit sinon la physique et les maths, c'est vraiment les pires cours du monde. On nous parle, je déteste ma prof de français, j'espère ne plus l'avoir cette année. Je croise les doigts. Mais c'est les profs peuvent t'aider complètement à aimer un cours comme te le faire détester complètement. Tu peux une année adorer le français, puis l'année suivante avoir 40 bouquins à lire, mais des bouquins de daube, et là c'est fini, t'y arrives plus. Ah ouais, c'est sûr. Je me rappelle d'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. J'avais un prof de maths. Justement, c'est pour démontrer ce que tu viens de dire. En fait, j'avais un prof de maths super beau, mais vraiment super beau. Une bombe. Ah ouais, il était canon, il était tout jeune, petit brun, petite barbe, tu vois, de quelques jours comme ça. Génial. Magnifique. Et super gentil, vraiment, un prof génial qui donnait cours de maths. Eh ben, je détestais les cours de maths. Même avec lui, t'as pas réussi à aimer. Même avec lui. D'ailleurs, il ne m'aimait pas parce que je détestais les cours de maths aussi. Donc, Ah oui, donc ça n'a pas aidé. Voilà. En tout cas, pour vous réconforter, pour vous motiver à peut-être reprendre l'année scolaire avec vos enfants, on vous offre une cure voilà, de détente du côté de Grimbergen. Exactement. Donc, on va du côté de Grimbergen pour vous offrir votre cure, vos soins pour vous et la personne de votre choix au terme de Grimbergen. Vous aurez un accès au terme, un massage du corps ou encore, pour les plus chanceux, vous pourrez peut-être repartir avec votre séjour cure printemps deluxe pour deux personnes en chambre supérieure, s'il vous plaît, avec petit déjeuner et massage. Ce sera à gagner tout au long de la semaine, donc vous pourrez repartir avec ce cadeau envoyé beauté par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Et en plus de ça, ce sera aussi à gagner dans l'Happy Hour ce soir. Effectivement, parce que Audrey est de retour sur Fun Radio. Audrey, Sandro et Fab sont enfin de retour avec nous. Ils vont nous faire délirer, ils vont faire passer un excellent moment tous les jours entre 17h et 20h. Et justement, ils ont du cadeau aussi pour vous. Alors soyez connectés cet après-midi. Coralie, on a donc plein de bonnes choses à vous offrir, plein de surprises, plein de cadeaux. Tout ça, c'est ce qui arrive dans la suite de l'émission. Avant ça, il est 7h. Fun Radio. Et comme toutes les demi-heures sur Fun Radio, on s'informe avec Benjamin Verporten. Salut Benja. Bonjour Anto, bonjour à tous. Le village olympique des fans du COIB, la Rio House d'Ostende, a fermé ses portes. Durant les JO, le village a accueilli quelques 50 000 personnes. Selon l'organisation, le village des supporters a été un réel succès. Elle estime à 2500 le nombre de visiteurs par jour, avec des pics comme lors de la finale du hockey. Le dernier jour s'est également conclu dans un esprit festif. Le judoka Dirk van Tickelt, médaillé de bronze, a symboliquement transmis la flamme olympique aux athlètes paralympiques via le tennisman Joachim Gérard. Une centaine d'athlètes olympiques étaient présents pour souhaiter beaucoup de succès à leurs homologues paralympiques, dont les Jeux débuteront le mois prochain. Et les Jeux Olympiques, justement, se sont clôturés cette nuit vers 3h du matin après une cérémonie de clôture dédiée à l'art brésilien. Nafissa Toutiam était notre porte-drapeau durant cette cérémonie. Le bilan belge est positif avec 6 médailles, dont 2 en or. Un résultat qui place notre pays à la 35e place du classement des médailles. Classement remporté par les États-Unis avec 121 médailles. Viennent ensuite la Grande-Bretagne et la Chine. Le Brésil, pays organisateur, finit 13e de ce classement avec 19 médailles. Les prochains Jeux se dérouleront à Tokyo en 2020. La police fédérale a dû faire feu à 27 reprises l'an passé, une tendance à la hausse. Selon un rapport de la police fédérale, le nombre de tirs de la police belge en direction de personnes menaçantes est en augmentation. En 2010, 14 tirs ont été effectués sur des personnes menaçantes contre 27 l'an passé. Dans 60% des cas, il s'agit d'une arme non létale qui a été utilisée pour maîtriser le suspect. Ces tirs rapportés en 2015 font toujours suite à des cas de rébellion armée, le plus souvent suite à un vol à main armée, un carjacking ou une tentative de suicide d'un tiers, précise le rapport. Dans ces 27 situations où la police belge a dû faire feu, seul l'un des suspects visés est décédé et 4/3 de personnes ont été blessées. Et enfin, en football, on disputait ce week-end la quatrième journée en division 1-1. On vous rappelle les nuls entre le Standard et Charleroi, entre Penn et Anderlecht, entre Zulte Waregem et Ostende et entre Beveren et Malines. La défaite du FC Bruges à Courtrai. Et enfin, la victoire de Moucron sur Saint-Sron, de Genk à Lokeren et de la Gantoise face à Westerlo. Au classement général, Zulte Waregem reste en tête avec 2 points d'avance sur Anderlecht, la Gantoise et Charleroi. Et le FC Bruges et le Standard sont respectivement 7 et 8e. Dans un instant, côté son dance floor, c'est Cheat Code et Sex qui arrive. Le duo Avicii et Nicky Romero ainsi qu'un petit Kid Vee avec Celle qu'il te faut. C'est son tout nouveau titre et c'est ce qui arrive dans un instant. Juste avant, côté météo, est-ce que tu as du soleil pour nous, Benjamin? Eh bien, le soleil arrivera l'après-midi, c'est-à-dire que les pluies présentes ce matin vont tout doucement laisser la place à un temps généralement sec. Les maxima seront compris entre 18 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et localement 24 degrés dans l'ouest du pays. Et on devrait atteindre 30 degrés ce jeudi. Donc, que du positif. Prochaines infos à 7h30. Tout de suite, le retour du son dance Fleur avec Martin Solveig sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Retrouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. Summer Fun, c'est du son dance floor et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. Sur Fun Radio, la journée démarre doucement mais sûrement avec Summer Fun jusqu'à 9h et dans quelques petites secondes, c'est Kid Vee, Celle qu'il te faut qui arrive. Et comme chaque heure, Coralie, on démarre avec l'éphéméride du jour. Nous sommes le lundi 22 août 2016. 235e jour de l'année et début de la 34e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. On souhaite une bonne fête au Fabrice, à Marie-Reine et à Saint-Forien. Bonne fête à vous les amis. Et puis des stars sont nés également ce lundi 22 août. Mats Wilander fête ses 52 ans aujourd'hui. C'est un ancien joueur de tennis suédois professionnel. Sinon, Micheline Prels fête, elle, ses 94 ans. C'est une actrice française qui a surtout marqué les esprits par la longévité de sa carrière. Donc, c'est devenu une des légendes vivantes du cinéma français. D'accord. Et aussi, en fait, les 43 ans de Laurent Lafitte. C'est un acteur français qui a joué notamment dans Papa ou Maman, ou encore De l'autre côté du périph. Dans quelques instants, sera le club buzz du jour. De quoi vas-tu nous parler, Coralie? Alors, on va parler d'un détenu. Oui. Qui a caché quelque chose dans sa cellule. Mais quoi, à votre avis? Il a caché quelque chose dans sa cellule. Ah oui. Bah, pourquoi pas? Si vous avez une idée, faites-le nous savoir maintenant par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Juste avant, c'est Kinvey et Glory qui arrive sur Fun avec Celle qu'il te faut. J'ai foi en l'avenir depuis que je t'ai trouvé. J'ai tant de choses à dire, tant à te prouver. Je ne trahirai jamais ta confiance. Si seulement tu m'accordais au moins une chance. J'aimerais faire ce rêve une réalité. J'ai peut-être mes défauts, mais j'ai mes qualités. J'aimerais t'en savoir ce que tu penses. Même si à mes yeux c'est une évidence. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas. Laisse-la prendre la première place. Dis-lui, je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, baby. T'es là mon sourire. Je ferai en sorte que tes peines soient qu'un souvenir. Après le bonheur tu n'auras plus à courir. Car auprès de toi je le ferai venir. Si toi et moi font nous, on fera des jaloux. Mais je suis prêt à prendre le risque. Ton autre amour est plus fort que tout, yeah. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas. Laisse-la prendre la première place. Dis-lui, je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, baby. Allez, dan dan dan dan dan dan ma ton cœur dan dan dan dan dan. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première. Sun dance floor. Do you think about me when you're all alone? The things we used to do and used to be. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. 7h13 sur Fun, bon réveil. Dans quelques petites secondes, c'est Cheat Code Sistex qui arrive côté son dance floor. Et quand Coralie, on vous dit qu'on a plein de cadeaux pour vous, c'est évidemment des cadeaux soins pour bien démarrer la rentrée. On a des cadeaux sur Facebook également parce qu'il y a des caméras 360 degrés à gagner encore aujourd'hui sur la page Facebook de Fun Radio. Alors pour tenter de les remporter, c'est très très simple. Vous allez dès maintenant sur la page Facebook de Fun Radio, vous likez la page, de Rico Imaging Benelux. Vous commentez le statut, vous partagez le statut, vous voyez, plutôt simple, tout est expliqué sur Facebook. Et vous tentez votre chance pour repartir, eh bien avec cette caméra 360 degrés. On a également des places de ciné à vous offrir pour l'avant-première d'un film qui déchire, Coralie. C'est Le Correspondant avec Jimmy Labeu, notre petite star belge montante, bah oui, en plus, qui a sorti son premier film. L'avant-première a lieu le 23 août à 19h30 à l'UGC Toison d'Or et on vous offre vos entrées. Pour ça, il vous suffit d'envoyer ciné par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Et en plus de ça, vous serez tenu au courant directement si vous repartez ou non avec vos entrées. Et puis Jimmy Labeu, il sera sur place, donc vous allez pouvoir voir juste après. Partout. Et il est en interview avec nous ce jeudi pour la sortie justement du film. Alors vous avez une question à lui poser, vous avez envie peut-être de venir lui poser une question à l'antenne. Ça se passe par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Et avant ça, à côté son dance floor, c'est Milo que je vous cale dans un instant, ainsi que Cheat Code et Sex, 7h15, bienvenue. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Unbelievable. I wanna do it again. I'll eat you like a cannibal. You're sweet like cinnamon. Tell me all your dreams and darkest fantasies. Oh, let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you. Talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. for hours. Just talk about what's next. Anywhere you want it, you can have it. Talk about sex, baby. Do it in the shower, pussy power. Just talk about sex, baby. Bon réveil sur Fun, 7h18. Dans un instant, c'est Milo, Holding and the Moon qui arrive sur Fun Radio. Info, scoop, people, médias, c'est le Club Buzz sur Fun Radio. Et un Club Buzz insolite aujourd'hui, Coralie, qui nous envoie directement en prison. Et ça se passe du côté de Toulouse, dans une maison d'arrêt de Seyss. De Seyss, ça se prononce comme ça, je pense. Je pense aussi. Et en fait, tout simplement lors d'une inspection d'usage dans une cellule, Ils inspectent un petit peu, ils fouillent et ils pensaient tomber sur un téléphone, quelque chose comme ça. Un objet suspect. Un objet suspect en fait, tout simplement. Et ils sont tombés sur encore pire que ça, c'est un truc, quelque chose à laquelle ils ne s'attendaient vraiment et pas. Et qui, à mon avis, n'arrive jamais en prison. Et qui n'arrive probablement jamais, je pense que c'est la première fois, je ne sais même pas comment ça a réussi à rentrer. Et en tout cas, voilà, donc ça se passe dans la cellule d'un jeune détenu de 25 ans. Le suspense. On n'a pas révélé l'identité, évidemment. Et il a fait le détenu, déjà, pour savoir. Il a été, donc, ici, je n'arrive plus à parler, je n'arrive plus à mettre l'info dans l'ordre. L'info est tellement insolite. Mais j'ai envie de donner la réponse maintenant, mais j'ai envie de faire durer le suspense, donc c'est un petit peu compliqué. Vas-y, dis-nous. Tease le truc. On va déjà commencer, je vais vous dire qu'il a 14 jours à rester en cellule disciplinaire, dont le confort est réduit au strict minimum. D'accord. Alors je vais dire qu'il avait ces objets parce qu'il avait chaud, mm-hmm, et parce qu'il avait des douleurs au dos. D'accord, donc comment se détendre et comment passer le temps lorsqu'on a mal au dos et lorsqu'on a chaud? Exactement. Qu'est-ce que nous on ferait en toute logique? On ouvrirait la fenêtre, mais plus que ça encore. S'il n'y a pas de fenêtre, on se rafraîchirait. Oui, et comment on se rafraîchirait? Avec de l'eau? Avec de l'eau, et en plus c'est les vacances, donc ça doit encore plus t'aider. Une piscine. Exactement, une piscine. Il avait dans une piscine gonflable dans sa cellule. Carrément. L'agent l'a trouvé et il a dit qu'il avait cette piscine pour ses douleurs de dos qui sont assez récurrentes et la chaleur. Et il a dit que donc l'eau pouvait le soulager. Bon, je ne sais pas si visiblement ça n'a pas vraiment fonctionné, étant donné qu'on lui a quand même confisqué sa piscine. Mais normal. Et qu'il a quand même, il a quand même aucune sanction de 14 jours dans une cellule disciplinaire qui, voilà, ça n'a pas vraiment l'enchanté vu qu'il n'y a vraiment aucun confort là-dedans. Bah, c'est sûr, mais en tout cas, c'est une info plutôt insolite et originale. Vous aussi, vous voyez quelque chose de buzz, d'insolite, d'original sur les réseaux sociaux? Faites-le nous savoir par SMS 3044, via Facebook également, parce qu'on est connecté tous les jours à n'importe quelle heure sur Facebook. Sur la page Facebook de l'émission Summer Fun, venez liker la page, envoyez-nous des messages, on les lira tout au long de l'émission. Sinon, aussi sur le Snapchat, Fleurus Radio, pour voir tous les coulisses. Effectivement, on fait plein de bêtises pendant les pauses, voyez, entre les musiques, pendant les pubs, alors suivez-nous sur le Snapchat Fleurus Radio. Dans un instant, c'est le tour de l'actu qui revient à 7h30. On aura également Zao et MHD côté son dance floor, ainsi que Milo et All Link at the Moon. Tout ça et bien plus, c'est ce qui arrive juste après ça. Après avoir traversé un désert, affronté une tempête musicale, et devancer Neil Armstrong, Tintin est de retour à Bruxelles avec la STIB. Dès le 25 juillet, découvrez les cartes Moby Basic Tintin en boutique et kiosque à l'achat de 10 voyages. Dépêchez-vous, c'est une édition limitée. Bruxelles, c'est nous tous, la STIB. Fun Radio. Fun Radio. International et la connexion. Chris Cam. Soufa est dans la maison, devant, vive la big town. Les filles, faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. J'ai dit, faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. Friday night went on way too long. I just don't remember. I woke up in a stranger's home. After six shots of De Leon. You know that girl. Turn me on. We were on the floor and so much more. Kept moving that away. And we left the club and fell in love. And then I heard her say, let's go back to mine for a smoke and wine. If you want to, you can stay. But after all, I

chacun sa raison. Tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les acter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en jaillis. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde rouge. Tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura tapé. Ne bougez pas, le son dance floor revient dans un instant avec le duo belge Dimitri Vegas et Like Mike, les Black Eyed Peas ainsi que le DJ Alex Jarmis, et c'est juste après ça. Et 7h30 sur Fun Radio, l'heure pour nous de s'informer en ce lundi 22 août 2016 avec Benjamin Verporten. Salut Benjamin. Bonjour Anto, bonjour à tous. Les Jeux Olympiques se sont clôturés cette nuit vers 3h du matin après une cérémonie de clôture dédiée à l'art brésilien. Nafissa Toutiam était notre porte-drapeau durant cette cérémonie et le bilan belge est positif avec 6 médailles, dont 2 en or. Un résultat qui place notre pays à la 35e place du classement des médailles, classement remporté par les États-Unis avec 121 médailles. Viennent ensuite la Grande-Bretagne et la Chine. Le Brésil, pays organisateur, finit 13e de ce classement avec 19 médailles et les prochains Jeux se dérouleront à Tokyo en 2020. Le village olympique des fans du COIB, la Rio House d'Ostende, a également fermé ses portes. Durant les Jeux, le village a accueilli quelques 50 000 personnes et selon l'organisation, le village des supporters a été un réel succès. Elle estime à 2500 le nombre de visiteurs par jour, avec évidemment des pics comme lors de la finale du hockey. Et le dernier jour s'est également conclu dans un esprit festif. Le judoka Dirk Van Tickel, médaillé de bronze, a symboliquement transmis la flamme olympique aux athlètes paralympiques via le tennisman Joachim Gérard. Une centaine d'athlètes olympiques étaient présents pour souhaiter beaucoup de courage et beaucoup de succès à leurs homologues paralympiques dont les Jeux débuteront le mois prochain. Matteo Renzi, Angela Merkel et François Hollande vont chercher les moyens de relancer une Europe en pleine crise d'identité. La décision britannique de quitter l'Union européenne, le Brexit et ses conséquences sur l'avenir de l'Union européenne ont très vite rassemblé les dirigeants français, italiens et allemands. Ils devraient se retrouver aujourd'hui et parmi les thèmes abordés, eh bien, il y aura le terrorisme et la sécurité, mais aussi l'économie ou encore la gestion des frontières externes de l'Union européenne. Les accidents mortels sont plus fréquents les nuits d'été ou de week-end. Selon le premier rapport sur l'accidentalité en Wallonie de la nouvelle agence wallonne pour la sécurité routière, les nuits des week-ends sont particulièrement meurtrières sur les routes avec 707 décès entre 2005 et 2013 et d'autant plus dans les zones rurales. Plus de la moitié des victimes ont perdu la vie dans les zones dites hors agglomération contre seulement 14% sur les autoroutes. Par ailleurs, juillet et août 2015 ont été particulièrement meurtriers. À cette période, près de 50% des accidents mortels ont eu lieu le week-end, alors que les années précédentes ont tourné plutôt autour des 40%. Fun. Fun Radio. Dans un instant, c'est le duo Dimitri Vegas et Like Mike qui arrivent sur Fun. On va également se faire un petit plaisir avec les Black Eyed Peas. Et juste avant, est-ce que le plaisir sera au rendez-vous cette semaine, Benjamin? Le plaisir, je ne sais pas s'il sera au rendez-vous, mais en tout cas, la météo, elle, va s'améliorer puisque jeudi, on atteindra les 30 degrés. En tout cas, aujourd'hui, les quelques pluies présentes le matin vont tout doucement s'évacuer. Le temps sera généralement sec durant l'après-midi. Les maxima seront compris entre 18 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et localement 24 dans l'ouest du pays. Les prochaines infos, c'est à 8h et tout de suite, c'est le retour du son dancefloor avec Alex Jarmis sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. Sometimes it's hard just trying to hold on. Sometimes I'll let you want to go home. Sometimes you know you're stuck in the trouble. Sometimes you just keep feeling the struggle. I know. I took can't find a way to hide all the dreams I fell so far. Hey, I know I took it upon myself. I can't find a way to hide all the dreams I fell so far away. Fun Radio. C'est Fun Radio toute la journée. To the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Texting ladies extra longer. Cause we gotta beat that bounce. We gotta beat that pound. We gotta beat that 808. That boom boom in your town. People in the place, if you wanna get down, put your hands. Here we go, ha, ha, ha. Radio, y'all get hit with the boom, boom. Beat so big, I'm La journée démarre sur Fun Radio à 7h40 avec dans quelques secondes le duo Dimitri Vegas et Like Mike. Stay Wild, c'est ce qui arrive côté son dance floor. Et puis Coralie, la rentrée scolaire arrive la semaine prochaine, mais également la rentrée dans les médias, notamment ici Fun Radio, puisqu'on accueillera une toute nouvelle émission tous les matins entre 6h et 9h, c'est... Bruno dans la radio. Bruno dans la radio fait son arrivée à partir du 29 août sur Fun Radio, et justement, on va vous diffuser toute la semaine les meilleurs moments de Bruno dans la radio pour vous montrer un petit peu comment ça se passe dans leur équipe, parce que Bruno n'est pas tout seul. Il est accompagné notamment de Vaché, qui est une personne de son équipe qui adore délirer. Voilà, c'est un peu notre Fabien Feuillèche, mais version français. Et justement, eh bien, ce Vaché, il adore faire des petits canulars au téléphone. Je vous propose d'écouter le Vaché Time du jour. Erz Vaché Time. Oh oui les amis. Le meilleur de Vaché durant cette année qui nous a bien fait marrer tous les jours à 7h. Vaché Time de ce matin, Louis Vuitton. Ouais, je sais pas si vous en souvenez, j'avais appelé Louis Vuitton, donc qui est une marque de sac à main super chère et tout. Ouais. Et je suis tombé sur une nana qui était un peu coincée du cul, quoi. Du coup, je me suis fait passer pour l'extrême inverse, un mec qui est un peu un tuche pour ceux qui ont vu le film, tu vois. Ouais. Mec qui est pas branché luxe. Pas trop, voilà. Pas trop. Bah ça donne ça. Bienvenue chez Louis Vuitton. Maison Louis Vuitton, Laura, bonjour. Bonjour. Vous avez pas entendu? Non. Parce que j'ai pété en fait. T'as compris? Absolument, absolument. Bon, j'appelle en fait parce que je voulais te demander chez Louis Vuitton si tu vendais, parce que c'est l'anniversaire de ma mère, des sacs bananes qui font kawaii. Non, ça on n'a pas. Ah, et tu vas les recevoir quand? Jamais, on ne l'a pas. C'est pas vrai, mais même chez Kiabi, les fonds, quand Kiabi, c'est vos principaux concurrents, faut mettre la barre plus haut, les gars, parce qu'ils vont vous rattraper, là, attendez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte sur Kiabi? Bon, alors, excusez-moi, madame de chez Louis Vuitton, qu'est-ce qu'on vend le plus dans votre grande maison? Un sac qui s'appelle le Speedy. Et combien il vaut? Il est à partir de 660€. Ah oui. Pardon, excusez-moi, c'est l'émotion. Je crois que j'ai compris, j'ai capté la chose, d'accord. Vous êtes plus spécialisé dans la clientèle fortunée, quoi. Exactement. Et dites-moi, le balai chez vous, là, c'est un Louis Vuitton aussi? Un balai Louis Vuitton, soyons sérieux. Non, mais je parle du balai que vous avez dans le cul. Non, ça c'est Dior. Ah non. Mais hé, hey, cela dit, je trouve que la meuf a eu un bon sens de la répartie. Ouais. Une bonne punchline à la Louis Vuitton. Bruno dans la radio qui sera retrouvé dès lundi prochain entre 6h et 9h. Et puis toutes les infos, c'est ça se passe sur Facebook, Aurélie. Sur la page Facebook de l'émission de Fun Radio, donc Fun Radio BE, tout simplement, pour y retrouver toutes les infos, savoir quand est-ce qu'il va arriver et puis encore plus. Justin Timberlake, c'est ce qui arrive dans un instant. Juste avant, c'est Dimitri Vegas et Like Mike sur Fun. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun. We fought for love, we were on the run. Tried my best to give you what you need. So one more chance, please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Merci de démarrer votre journée sur Fun Radio. Coralie, on a du cadeau pour vous toute la semaine à vous offrir. On vous envoie du côté de Grimbergen. Vous pourrez repartir avec vos entrées, vos accès au terme pour profiter de massages ou de séjours ou encore de soins pour vous et la personne de votre choix. Pour s'envoyer beauté par SMS au 6322, 1€ par message. Bonne chance à vous. De la chance, vous en avez car dans un instant, c'est Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling qui arrive. À 7h46 ce matin sur Fun, le temps pour nous de faire l'anniversaire du jour, Coralie. Le principe très simple, vous nous envoyez un petit SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS, ou encore vous nous envoyez un petit message sur la page Facebook et nous, après ça, on rappelle eh bien, votre ami ou votre copain, votre copine, votre cousin, ou simplement... Votre fils, votre fille, votre maman, votre papa. Tout à fait, on vous souhaite un bon anniversaire en direct à l'antenne. On a Damien qu'on va appeler aujourd'hui en direct parce que Damien, il fête ses 21 ans et c'est sa maman qui nous envoyait un petit message mignon, Coralie. Ah... Alors on attend, est-ce que ça va sonner? Ta maman qui nous a envoyé un petit message sur la page Facebook de l'émission. Damien qui a 21 ans et qui habite Tournai. J'espère qu'il va décrocher ce matin. Allô? Allô Damien? Oui. Comment ça va bien ce matin? Ben ça va. Écoute Damien, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Toute mon équipe se joint à moi pour te souhaiter un bon anniversaire. Ah, sur Fun Radio. Tu es en direct sur Fun Radio ce matin, effectivement. 21 ans, ça se fête. Bon Damien, alors c'était l'occasion de le faire ici. Et sur Fun Radio, qu'est-ce que t'as prévu de beau pour cette journée un peu spéciale? Ah ben en fait aujourd'hui, ce soir, je vais aller au resto avec, avec tous mes potes. Bah du coup, je vais pouvoir me la péter en disant que je suis passé sur Fun Radio. Ah bah ça c'est la classe Kev. Et ça c'est grâce à ta maman, mon Damien, parce que c'est elle qui nous a envoyé un petit message mignon sur la page Facebook de l'émission, Coralie. Très mignon d'ailleurs, j'adore son message. Elle nous dit j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à mon petit lapin Damien. Si vous pouvez l'appeler en direct, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai. Et c'est de la part donc, de ta maman Patricia. Depuis tout petit, elle m'appelle le petit lapin. J'ai un peu honte, hein, mais bon. Est-ce que c'est dû à ta taille ou pas? Est-ce que tu fais 1m90 ou tu es plus sur 1m60, Damien? C'est par rapport aux prestations, mais on va pas s'éterniser. D'accord, on va pas s'éterniser, effectivement. Je te fais des bisous, Damien. Passe une excellente journée et puis encore un bon anniversaire à toi. Merci, Fun Radio. A très bientôt, bisous. Damien. Vous aussi, salut. Vous avez envie qu'on souhaite un bel anniversaire d'un proche, vous avez envie qu'on appelle votre famille, vos amis. Comment ça se passe? C'est très simple. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous kiffez dans Summer Fun sur Fun Radio, envoyez Aniv par SMS au 3044. 50 centimes d'euros par SMS. Fun Radio. Party all night all summer. Fun. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Welcome in the biggest clubbing club. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Chérie, je vais jeter les bouteilles vides. Bah, tu veux que je le fasse? Non. Ce mois-ci, rapportez vos flacons de parfum aux produits de soins vides chez Ici Paris XL. Nous les recyclerons et vous recevrez en échange une réduction de 15% sur votre nouveau parfum ou soin. Ici Paris XL. Le son Dance Floor. C'est Fun Radio. I'm rolling down the river. My worries drown. They say that I'm a sinner. I won't let you down. Long nights chasing the stars till the sunrise. Out of the blue under blue skies, I saw the shape of my heart. Every time I hear the music play, every time I hear you say my name. The air is filled with summer rain. I can feel the love. I can feel the love. I can feel the love. Oh, oh, oh, oh, oh.

It's the blue dot girl that made me wake up. It's still right by me in this song. I stood there counting every heartbeat, thinking about the words to say, trying not to understand that feeling, and would it ever go away? Now those were the days before you had to go away. Now I'm dancing by myself out in the rain. Now it's getting rather cold, and I just wanted you to know that if my dreams will ever be, will you come dancing next to me, next to me. La semaine à vous offrir, Coralie. On vous emmène vous relaxer du côté des thermes de Grimbergen pour repartir avec vos soins, vos massages et vos séjours. Envoyez dès maintenant beauté par SMS au 6322, c'est 1 euro par message. Bonne chance. Fun Radio. Fun. Fun. Il est 8h sur Fun Radio, debout tout le monde. On s'informe en ce lundi 22 août 2016 avec Benjamin Verporten. Salut Benjamin. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Les Jeux Olympiques se sont clôturés cette nuit vers 3h du matin après une cérémonie de clôture dédiée à l'art brésilien. Nafissa Toutiam était notre porte-drapeau durant cette cérémonie. Et le bilan belge est positif avec 6 médailles, dont 2 en or. Un résultat qui place notre pays à la 35e place du classement des médailles. Un classement remporté par les États-Unis avec 121 médailles. Viennent ensuite la Grande-Bretagne et la Chine. Le Brésil, pays organisateur, finit 13e de ce classement avec seulement 19 médailles. Les prochains Jeux se dérouleront à Tokyo en 2020. Et le village olympique des fans du COIB, la Rio House d'Ostende, a également fermé ses portes. Durant les Jeux, le village a accueilli quelques 50 000 personnes. Selon l'organisation, le village des supporters a été un réel succès. Elle estime à 2500 le nombre de visiteurs par jour, avec des pics comme lors de la finale du hockey. Le dernier jour s'est également conclu dans un esprit festif. Le judoka Dirk Van Tickelt, médaillé de bronze, a symboliquement transmis la flamme olympique aux athlètes paralympiques via le tennisman Joachim Gérard. Une centaine d'athlètes olympiques étaient présents pour souhaiter beaucoup de succès à leurs homologues paralympiques, dont les Jeux débuteront le mois prochain. L'imam de Dizon et sa famille ont été arrêtés dimanche dès leur retour de vacances. Le fils sera présenté aujourd'hui au juge de la jeunesse pour avoir proféré des menaces à l'encontre des chrétiens dans une vidéo. Tout s'est passé dans le calme. La famille n'a opposé aucune résistance quand les policiers se sont présentés vers 17h. Et si on en croit les journaux de Vers l'Avenir, les forces de l'ordre ont déjà auditionné les 3 membres de la famille en soirée. Le fils de l'imam, 17 ans, était apparu donc dans une vidéo tournée dans le centre de Verviers. Il y menaçait en des termes très explicites la communauté chrétienne. Il devrait être présenté ce jeudi à un juge de la jeunesse et son père de nationalité néerlandaise, lui, fait l'objet d'un double arrêté d'expulsion en raison de ses prêches radicaux. Et on termine avec du sport. En football, on disputait ce week-end la 4e journée en division 1A. On vous rappelle les nuls entre le Standard et Charleroi, Eupen, Anderlecht et Zulte Waregem et Ostende, et entre Beveren et Malines. Les défaites du FC Bruges à Courtrai et enfin les victoires de Mourcron sur Saint-Trond, de Genk à Lokeren et de la Gantoise face à Westerlo. Au classement général, Zulte Waregem reste en tête avec 2 points d'avance sur Anderlecht, la Gantoise et Charleroi. Et le FC Bruges et le Standard sont respectivement 7 et 8e. Fun Radio. Dans un instant, côté son dance floor, c'est Martin Garrix qui arrive. On se fera un petit plaisir avec le duo qui cartonne, hein, Calvin Harris, Rihanna ainsi que DJ Snake et Talk. Juste avant, côté météo, est-ce que ça va cartonner également cette semaine, Benjamin? Exactement, ça va cartonner puisque jeudi, on va atteindre plus de 30 degrés, donc il fait vraiment très très beau. Mais aujourd'hui, eh bien, les pluies présentes ce matin vont tout doucement laisser la place à quelques éclaircies et il fera un peu plus frais, entre 18 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et localement 24 degrés dans l'ouest du pays. Les prochaines infos, c'est à 8h30. Tout de suite, le retour du son dance floor avec Sigala sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son dance floor. Le meilleur cocktail de l'été. Soleil, détente et son dance floor. Avec Summer Fun, tous les jours, jusqu'à 9h sur Fun Radio. I may be selfish, but I'll take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. Mm-hmm. So give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah, oh yeah. still searching around. I can't do this anymore. So give me your love. À 8h07, soyez les bienvenus sur Fun. On démarre la journée ensemble avec le meilleur de son dance floor dans quelques secondes. Et c'est DJ Snake qui arrive. Le temps pour nous, Coralie, de faire un tour du côté de l'éphémérique du jour. Nous sommes le lundi 22 août 2016 déjà. Déjà le 235e jour de l'année aussi et on débute la 34e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. Aujourd'hui, on souhaite une bonne fête à Fabrice, à Marie-Reine et à Saint-Forien. Bonne fête à vous les amis. Et puis des stars sont nés également ce lundi 22 août. Mats Wilander fête ses 52 ans aujourd'hui. C'est un ancien joueur de tennis suédois professionnel. Et c'est aussi l'anniversaire d'une grande actrice française, Micheline Presse, je n'arrive pas à le dire. C'est Presle. Voilà, qui fête ses 94 ans. C'est une des légendes vivantes du cinéma français grâce à la longévité de sa carrière qui a duré quand même pas mal d'années. Pas mal. Et c'est aussi l'anniversaire de Laurent Lafitte qui a 43 ans. C'est un acteur français qui a joué dans Papa ou Maman ou encore dans De l'autre côté du périph. Et bon anniversaire à vous les amis, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Et justement, pour cela, Coralie, on a du cadeau pour vous toute la semaine. On vous emmène du côté de Grimbergen. Vous pourrez aller profiter des thermes, de massages, d'accès ou encore de séjours. Dans un super château d'ailleurs. Oui, c'est magnifique, j'ai vu des photos, c'est vraiment super beau. Pour ça, envoyez dès maintenant beauté par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Et toutes les infos à choper dès maintenant sur funradio.be. Juste avant, c'est DJ Snake et Tall qui arrive sur Fun à 8h08. Bienvenue. Yeah. Quoi de mieux pour démarrer la journée du bon pied qu'écouter Fun Radio avec dans quelques secondes le duo Calvin Harris et Rihanna qui explose tout sur les réseaux sociaux. Elle cartonne évidemment notre Riri sur YouTube. Et c'est ce que je vous cale dans un instant sur Fun. Juste avant Coralie, on a du cadeau à vous offrir encore parce qu'on va jouer au Battle Fun Express. Alors, le principe, c'est très simple. Vous passe un extrait de chanson qu'on a un petit peu modifié. Vous devez reconnaître soit le titre, soit l'artiste. Envoyez la réponse par SMS au 3044. Et puis, jamais vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort, on vous offrira votre entrée pour aller au cinéma. Bah ouais, c'est pas mal. Bah en plus, avec plein de films, le correspondant notamment qui sort ce jeudi. Bientôt. Donc, que de bons films à aller voir au ciné. Écoutez. Ah, c'est facile. Tu reconnais ? Ah oui. Ah oui. Il sera d'ailleurs un petit indice en concert avec nous en décembre, on l'a teasé en début d'émission, et c'est en duo, écoutez. Vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez dès maintenant par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Et puis on a encore du cadeau également à vous offrir sur Facebook, des caméras 360 degrés. Ça se passe sur la page Facebook de Fun Radio. Vous y allez, vous likez, vous partagez, vous commentez. Et puis vous serez peut-être tiré au sort tout à l'heure, juste avant. C'est Calvin Harris sur Fun. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. You.

see your fortune and your fame. Wanna take a spin? Merci de démarrer votre journée sur Fun Radio, il est 8h30. Et comme toutes les demi-heures, sur Fun, on s'informe avec Benjamin Verporten. Salut Benjamin. Bonjour Anto, bonjour à tous. La reprise scolaire n'aura lieu que dans 10 jours, mais elle est déjà marquée par l'instauration d'un nouveau cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté dans le primaire. Nouveauté réservée aux élèves de l'enseignement officiel. Et cette année, l'autre grande nouveauté sera la concrétisation du pacte d'excellence. Plusieurs pistes sont envisagées concernant le redoublement ou le rythme scolaire. Et pour le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est bientôt l'heure des choix. Des groupes de travail sont encore à l'œuvre. L'impact de toutes les mesures doit être estimé. Les choix seront évalués à l'automne par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les Jeux Olympiques se sont clôturés cette nuit vers 3h après une cérémonie de clôture dédiée à l'art brésilien. Nafissa Toutiam était notre porte-drapeau durant cette cérémonie et le bilan belge est positif avec 6 médailles dont 2 en or, un résultat qui place notre pays à la 35e place du classement des médailles, un classement remporté par les États-Unis avec 121 médailles. Viennent ensuite la Grande-Bretagne et la Chine et le Brésil, pays organisateur, finit 13e de ce classement avec 19 médailles. Et le village olympique des fans du COIB, la Rio House d'Ostende, a fermé ses portes. Durant les Jeux, le village a accueilli quelques 50 000 personnes et selon l'organisation, le village des supporters a été un réel succès. Elle estime à 2500 le nombre de visiteurs par jour avec des pics comme lors de la finale du hockey. La police a dû faire feu à 27 reprises l'an passé, une tendance à la hausse. Selon un rapport de la police fédérale, le nombre de tirs de la police belge en direction de personnes menaçantes est en augmentation. En 2010, seuls 14 tirs ont été effectués sur des personnes menaçantes contre 27 l'an passé. Dans 60% des cas, il s'agit d'une arme non létale qui a été utilisée pour maîtriser le suspect. Ces tirs rapportés en 2015 font toujours suite à des cas de rébellion armée, le plus souvent suite à un vol armé, un carjacking ou une tentative de suicide d'un tiers. Dans les 27 situations où la police belge a dû faire feu, seul l'un des suspects visés est décédé et 4 tierces personnes ont été blessées. Et enfin, on termine avec du sport. En football, on disputait ce week-end la quatrième journée de la D1A. On vous rappelle les nuls entre le Standard et Charleroi, entre Eupen et Anderlecht, et entre Zulte Waregem et Ostende, ainsi qu'entre Beveren et Malines. La défaite du FC Bruges face à Courtrai, et enfin les victoires de Moucron sur Saint-Trond, de Genk à Lokeren et la victoire de la Gantoise face à Westerlo. Au classement, Zulte Waregem reste en tête avec 2 points d'avance sur Anderlecht, la Gantoise et Charleroi. Le FC Bruges et le Standard sont respectivement 7 et 8e. Fun. Fun Radio. Le Sun Dance Floor continue dans un instant avec Galantis et Nomonier. Côté météo, que se passe-t-il aujourd'hui dans le ciel, Benjamin ? Eh bien, les quelques pluies qui sont présentes ce matin vont laisser place à un temps généralement sec durant l'après-midi et ça ne peut que s'améliorer puisqu'on annonce 30 degrés pour le milieu de la semaine. En tout cas, aujourd'hui, les maxima seront compris entre 18 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et localement 24 degrés dans l'ouest du pays. Dernier flash info à 9h et tout de suite le retour du Sun Dance Floor avec Deoro sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Tous les matins, c'est Summer Fun. Avec Anto sur Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. Sur Fun, Galantis, Nomonie, c'est mon coup de cœur du moment et c'est ce que je partage avec vous dans un instant. Le temps pour nous d'appeler l'un ou l'une d'entre vous, Coralie, qui a joué et qui a participé au Battle Fun du jour. On peut rappeler rapidement le principe. On a un extrait qui est modifié, qui a été un peu métamorphosé par notre réalisateur Étienne, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, mais qu'on embrasse évidemment très fort. Il a modifié aujourd'hui ce titre-ci qu'on connaît, titre culte, écoutez. On a Morgane qui habite Lessines qui a participé avec nous. Salut Morgane. Salut. Comment ça va bien ce matin? Ça va très bien, ça va. Alors est-ce que tu as retrouvé la bonne réponse? Oui, c'est Maître Gims Bella. Maître Gims Bella, j'ai une bonne nouvelle, c'est la bonne réponse, bravo. Merci. On t'envoie du cadeau à la maison, Coralie. On t'envoie tes places de ciné pour tu pourras aller profiter, regarder le film que tu veux. En plus, il y a le correspondant qui sort bientôt et c'est en avant-première avec Fun Radio. Donc, effectivement, c'est en avant-première mercredi, sorti dans les salles jeudi. On te le conseille évidemment, mon Morgane. Est-ce que toi, tu as une matière ou un truc que tu détestes complètement à l'école qui te fait bader dès que tu y penses? C'était les langues avant. Les langues ? Quoi comme langue par exemple ? Par exemple, le néerlandais, j'avais beaucoup de mal. Le néerlandais, Benjamin le connaît ça en tout cas. Et je te fais des bisous Morgane, passe une excellente journée et puis à très bientôt. Oui. Au revoir. Pourquoi pas ? Allons-y. Merci d'être sur Fun Radio les amis, il est 8h37 avec Gilles. On parle dans quelques instants de la motivation. C'est un truc qui manque à beaucoup de jeunes aujourd'hui, on va en parler mais au niveau du sport. Tout ça et bien en plus, c'est ce qui arrive après Galantis et No Money sur Fun. Welcome. Sorry, I ain't got no money. On prépare à Benjamin un contrôle de néerlandais juste après parce qu'on parle de cours, c'est bientôt la rentrée scolaire. Juste avant Benjamin, on va donner quelques clés pour bien te motiver. On parle de motivation dans le fun sport dans quelques secondes. Et côté son dance floor, c'est Drake et Wendance qui arrivent. Petite remise en forme obligatoire durant l'été grâce à Fun Sport. Et Gilles, on parle de motivation car c'est vrai, c'est un élément qui manque à beaucoup de jeunes et à beaucoup de personnes. Et c'est pourtant un élément très très important, donc on a chacun la nôtre. Et la motivation est, comme je le disais là tout de suite, vraiment l'ultime chose dont on a besoin quand on fait du sport. Voilà, ben la mienne elle est toute simple, moi je me balade sur les réseaux sociaux, les comptes Instagram, les comptes YouTube, les Snapchat, peu importe, les Facebook. Et en fait voilà, une fois que le corps du monsieur que je suis en train de regarder me donne envie et que j'ai envie de lui ressembler. Mais c'est ça, tu te dis, j'ai envie d'être comme lui. J'ai envie d'être comme lui, c'est ma motivation, je le suis. Donc je vais vous parler par exemple de la chaîne Body Time où Alex et PJ, qui sont donc les deux protagonistes, proposent diverses vidéos très intéressantes. Ils nous conseillent tout au long de l'année et même pendant les vacances. Ils nous montrent leurs entraînements, ils nous montrent ce qu'ils mangent, ils nous montrent ce qu'ils font pour vraiment garder la ligne et être musclé. Toi par exemple Coralie, qu'est-ce qui te motive quand tu as envie de faire du sport ? Moi je me fixe un objectif, par exemple les 20 km de Bruxelles, et je me dis dans X mois tu dois pouvoir les faire. Et du coup, bah, ça me motive un petit peu à m'entraîner, à aller courir, etc. Et voilà, c'est un peu ma motivation. Et est-ce que tu l'as déjà fait ? Non. Mais tu te le dis, c'est déjà un bon début. Mais je vais courir quelques temps. Antoine, tu demandes à Coralie, mais ta motivation à toi, il y en a ou... Mais j'en ai pas spécialement. Ok, donc c'est pour ça que je fais pas de sport, simplement. Ok, ouais. D'où la petite boutine. Voilà, c'est ça. Donc on va parler maintenant de Thibaut InShape qui nous propose pas mal de vlogs. Donc les vlogs, pour ceux qui savent pas, c'est des petites vidéos qui retracent une journée complète et parfois plusieurs journées. Où il nous montre également lui ses entraînements, mais lui plutôt il joue sur le côté de l'humour. D'accord. Donc, lui, il est plutôt marrant. Donc ta motivation, c'est pouvoir déconner en même temps. Voilà, c'est ça. Alors après, on va parler de mon petit chouchou Workout Brother, qui est un petit jeune qui franchement cartonne pas mal. Lui propose aussi des vlogs basés sur ses entraînements, mais le petit plus c'est que lui il est encore étudiant et donc il donne des conseils sur comment gérer sa journée entre les études, le sport et malgré tout la nutrition aussi, parce que il fait très attention à tout ce qu'il mange. Et alors enfin, maintenant, ben voilà, on a parlé tout l'été de travaux, d'exercices, de se faire mal, de faire attention. Et là, pour le plaisir, ben il y a la chaîne Fast Good Cuisine qui, lui, ben voilà, son compte Instagram est plus important et plus intéressant quand on veut faire du sport et être motivé par ses beaux muscles. Il donne envie par les photos. Voilà, c'est ça. Lui, il donne plutôt envie par les photos. Mais par contre, sa chaîne YouTube est plutôt pour le petit plaisir car il propose plein de super bonnes recettes. Et ce sera à découvrir évidemment dans quelques secondes sur la page Facebook de Summer Fun. On va retrouver tous ces bons liens. Est-ce que toi, Benjamin, tu as des conseils de motivation ? Toi, tu es un sportif. Ouais, exactement. Donc, pour se motiver, bah, tout simplement, penser au régime alimentaire, la forme physique et puis peut-être un côté plus performance. T'es le seul sportif dans l'équipe en fait, hein, même si on regarde avec Samy. C'est pas vrai. Moi j'en fais aussi. Toi tu es sportif. Je ne donne pas que des conseils. Ah. Ben, on espère qu'on va pouvoir découvrir tout ça. En plus, on a testé plein de fois tes exercices ici de sport en studio et ça a été franchement très drôle. Merci beaucoup Gilles pour tous ces conseils durant l'été plaisir. En tout cas. Merci à vous. Conseils sportifs qu'on peut retrouver dès maintenant sur la page Facebook de Summer Fun. Dans quelques secondes, on va faire passer un petit contrôle néerlandais à notre ami, Benjamin. On aura également les idées de sortie du jour. Et côté son dance floor, c'est Enrique Iglesias, Alan Walker et Drake qui arrivent. Alors ne bougez pas. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Après avoir traversé un désert, affronté une tempête musicale et devancé Neil Armstrong, oh, it's beautiful, Mike. Tintin est de retour à Bruxelles avec la STIB. Dès le 25 juillet, découvrez les cartes Moby Basic Tintin en boutique et kiosque à l'achat de 10 voyages. Dépêchez-vous, c'est une édition limitée. Bruxelles, c'est nous tous, la STIB. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun Radio. Le son dance floor. Try so hard to get away. Think about you every day. Try so hard to live without. But no, no mas. Sunshine is shining far away. Bird's eyes is looking out. And they can see that you're mine. When we're together, your love is controlling my brain. Like plunging inside of that fire I cannot contain. Our love is like a heat wave. It's burning through the evening rain. Set sail on an ocean wave. 'Cause our love is like a heat wave. Right by my side, burn gas in a Chevrolet. She's so hot, and our connection's like Wi-Fi. Just love how you ricochet, won't stop till you're satisfied. 'Cause when we're together, your love is controlling my brain, like plunging inside of that fire I cannot contain. Our love is like a heat wave. It's burning through the evening rain. Set sail on an ocean wave. 'Cause our love is like a heat wave. Me want you more. Couldn't leave if I want to. I'll wash up at your door. I know at times we break the rule to

8h52 sur Fun, j'espère que tout se passe bien pour vous qui êtes de l'autre côté de la radio. On part en Espagne dans quelques secondes avec le beau Enrique Iglesias, Bailando, c'est ce qui arrive dans un instant. Et c'est juste après l'agenda du jour. Les idées de sortie, c'est dans Summer Fun sur Fun Radio. Et Coralie, tu as regroupé pour nous les activités sympas à faire à Bruxelles et en Wallonie. On part du côté de Schaerbeek avec The Park to Be. Ça se passe du côté de Schaerbeek, comme tu l'as dit. Le parc Josapha vous propose des activités gratuites. Ateliers créatifs, yoga, zumba, géocoaching, pétanque, tir à la perche. Et aussi des food trucks, évidemment, pour les plus gourmands. Et cette initiative s'est proposée par la commune de Schaerbeek et elle a pour objectif de permettre aux Schaerbeekois de découvrir leur parc autrement et de mettre un peu à l'honneur tous les acteurs existants au sein de leur commune. Et là, on parle d'un jeu. Ah oui, un site internet peut-être où on peut retrouver des infos. www.theparktout.be. On parle d'un jeu d'enquête spécial enfant. Ah oui, alors ça c'est pour les enfants qui aiment jouer, résoudre des énigmes, bricoler et relever des défis, mais surtout découvrir. Après un parcours d'un peu moins de 10 heures, Bruxelles n'aura plus aucun secret pour les petits explorateurs en herbe. Muni d'un cahier de route indispensable, vous pourrez découvrir la géographie de Bruxelles, les habitants, les oiseaux que l'on y trouve, mais également l'Europe, l'histoire, les légendes ou encore l'étymologie de certains lieux. Vous aurez aussi l'occasion de bricoler une perruche, de plier un iris en origami, de recréer votre propre drapeau ou encore de renommer Bruxelles. Ce qui est sympa, c'est que c'est disponible en plus en plusieurs langues. Oui, c'est disponible en français, en néerlandais, en anglais aussi. Oui. Ça se passe du côté de Bruxelles, c'est ouvert aux enfants et on peut retrouver tout ça sur internet. www.experience.bruxelles. Et c'est pas cher du tout. Ah non, c'est 1 euro. Autant insister sur ça, c'est une activité sympa pour les enfants, les jeunes enfants en plus. C'est ici à Bruxelles, c'est de l'enquête et surtout c'est super accessible. Ah oui, totalement, ça se passe en plus du Parc Royal à Bruxelles. Toutes les infos à retrouver dès maintenant sur la page Facebook de Summer Fun. Dans quelques secondes, Coralie se transforme en maîtresse d'école. Elle fait tout, Coralie, ici. Alors maintenant, elle enfile ses lunettes et sa cape pour devenir maîtresse d'école. On va passer une interro de néerlandais à notre ami Benjamin qui demain devra passer son réel examen. Tout ça et bien plus, c'est juste après Enrique Iglesias sur Fun avec son titre Bailando. Bon réveil, bon début de journée, il est 8h54 sur Fun. Says, come and take me. Baby girl, got me begging, got me hoping that the night don't stop. Rock that body, come and don't stop. Time when we get it, it's gonna be alright. Taking the full flight, we're doing this all night. Il est presque 9h sur Fun. On se fait plaisir dans un instant avec Mo, mais Aloha, imaginez-vous les doigts de pied en éventail. C'est ce que vous allez pouvoir faire dans un instant, juste avant un terreau surprise pour toi, mon Benjamin. Demain, tu passes effectivement ton examen de néerlandais, donc tu nous quitteras à partir de demain. On a donc décidé de te faire réviser un petit peu ce matin, puisqu'on parle de rentrée scolaire. C'est bientôt la rentrée scolaire, Coralie. On a eu d'ailleurs pas mal de réactions via les réseaux sociaux, parce que on a des cours qu'on déteste complètement, comme ceux qui reviennent le plus souvent en maths et éducation physique. Hein, oui, c'est vraiment ceux-là qui reviennent. Et en troisième position, il y a physique quand même. Physique ? Ah oui. Ah, c'est cool la physique. Ah non, c'est compliqué, il y a plein de mathématiques aussi. Ouais, c'est vrai, ça regroupe un petit peu les deux. En tout cas, nous, on se concentre sur les langues et sur le cours de néerlandais. Est-ce que tu es prêt? Exactement, je suis parti. Attention. Alors, je te demande de me dire, de me traduire le commérage, le potin. C'est Rodelnieuws. Et avant, et juste avant. Rodelnieuws. Oui, mais bien. Première bonne réponse. C'est pas mal. On aura un gage pour lui, attention, si tu ne réussis pas. On Alors, enchaîne. Alors, le chapeau. Couple. Non. Ah non, c'est appetizer cut. C'est bon, c'est mauvais. T'as dit une mauvaise réponse. Ouais, pour l'instant, on note. Cut, ouais. Alors, s'abonner. Abonneron. Facile. Celui-là, ouais. Wallon. Un quatrième. Le quoi, c'était quoi? Wallon. Wallon, la langue ou les habitants? Les habitants. C'est Wall. Wals, non? Wals. Wall, Wals. Ouais. Ah, c'est non, Wals. Zéro, c'est bon. On passe au dernier, attention. Le roi. Conning. Bah zut, t'aurais pu faire un plus compliqué quand même. C'est pas grave, tu auras un gage quand même à la fin qui sera retrouvé sur la page Facebook de l'émission. Le temps pour nous de rappeler également qu'on a du cadeau, Coralie, à vous offrir. On vous envoie du côté des thermes de Grimbergen. Vous pourrez repartir avec vos deux entrées pour profiter d'un soin, d'un massage ou encore d'un séjour. Mais vous avez beaucoup de chance, vous pourrez repartir avec votre séjour Cure Printemps Deluxe pour deux personnes en chambre supérieure avec petit déjeuner et massage. Pour ça, envoyez dès maintenant beauté par SMS au 6322, c'est 1 euro par message. Rien de mieux pour se détendre avant le retour de la rentrée scolaire. Hein. C'est ah quand oui, même pas totalement. Mal. Ce sera remporté dès toute la semaine. D'ailleurs, toutes les infos à retrouver dès maintenant sur funradio.be. Bonne chance. Fun Radio. Il est 9h sur Fun Radio, on démarre la journée ensemble avec une bonne dose d'infos. Elle est signée Benjamin Verporten. Salut Benjamin. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Les Jeux Olympiques se sont clôturés cette nuit vers 3h du matin après une cérémonie de clôture dédiée à l'art brésilien. Nafissa Toutiam était notre porte-drapeau durant cette cérémonie et le bilan belge est positif avec 6 médailles dont 2 en or, un résultat qui place notre pays à la 35e place du classement des médailles. Un classement remporté par les États-Unis avec 121 médailles viennent ensuite à la Grande-Bretagne et la Chine. Et le Brésil, pays organisateur, finit 13e de ce classement avec 19 médailles. Et le village olympique des fans du COIB, le Rio House d'Ostende, a fermé ses portes. Durant les Jeux, le village a accueilli quelques 50 000 personnes et selon l'organisation, le village des supporters a été un réel succès. Elle estime à 2500 le nombre de visiteurs quotidiens avec des pics comme lors de la finale du hockey. Et la reprise scolaire n'aura lieu que dans 10 jours, mais elle sera marquée par l'instauration d'un nouveau cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté dans le primaire. Nouveauté réservée aux élèves de l'enseignement officiel. Et cette année, l'autre grande nouveauté sera la concrétisation du pacte d'excellence. Plusieurs pistes sont envisagées concernant le redoublement ou le rythme scolaire. Et pour le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est bientôt l'heure des choix. Des groupes de travail sont encore à l'œuvre. L'impact de toutes les mesures doit être estimé et les choix seront évalués à l'automne par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La police a dû faire feu à 27 reprises l'an passé, une tendance à la hausse. Et selon un rapport de la police fédérale, le nombre de tirs de la police belge en direction de personnes menaçantes est en pleine augmentation. En 2010, 14 tirs ont été effectués sur des personnes menaçantes, contre 27 l'an passé. Matteo Renzi, Angela Merkel et François Hollande vont chercher les moyens de relancer une Europe en pleine crise d'identité. La décision britannique de quitter l'Union européenne, à savoir le Brexit et ses conséquences sur l'avenir de l'Union européenne, ont très vite rassemblé les dirigeants français, italiens et allemands. Parmi les thèmes abordés, le terrorisme et la sécurité, mais aussi l'économie ou encore la gestion des frontières externes de l'Union européenne. Et enfin, en football, on disputait ce week-end la 4e journée en division 1A. On vous rappelle les nuls entre le Standard et Charleroi, entre Eupen et Anderlecht, Zulte Waregem et Ostende, et enfin entre Beveren et Malines. On notera également la défaite du FC Bruges face à Courtrai, et enfin les victoires de Moucron sur Saint-Tron, de Genk à Lokeren et de la Gantoise face à Westerlo. Au classement général, Zulte Waregem reste en tête avec 2 points d'avance sur Anderlecht, la Gantoise et Charleroi, et le FC Bruges et le Standard sont respectivement 7 et 8e. Lloyd prend le contrôle de Fun Radio dans quelques secondes avec côté Sun Dance Floor de Chainsmokers et Daya ainsi que Jennifer Lopez et Ain't Your Mama juste avant. Côté météo, est-ce que la journée démarre bien, Benjamin? Eh bien, la journée avait mal démarré. Il y avait des pluies ce matin, mais là, ça s'améliore. Les pluies vont laisser place à un temps généralement sec durant l'après-midi. Les maxima seront compris entre 18 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et localement 24 degrés dans l'ouest du pays. Et ça ne fera qu'augmenter avec 30 degrés pour ce jeudi. À midi, vous retrouvez Carlo pour les infos. Tout de suite, c'est le retour du Sun Dance Floor avec Mom sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Ah là, c'est énorme. Fun Radio. Are you ready? Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Fun. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son dance. Dance Floor. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Fun. Fun Radio. Le son dance floor. Dance floor. Dance floor. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've had his groove. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it. Suddenly it's all real. Suddenly it's all you feel. You're free now. So. The unknown. The unknown. Quoi de mieux pour démarrer la journée qu'être à l'écoute de Fun Radio? Merci de nous rejoindre les amis, il est 9h07. Et Jennifer Lopez, Ain't Your Mama, c'est ce qu'on vous cale côté son dance floor dans quelques petits instants. Le temps pour nous de vous rappeler Coralie qu'on a du cadeau à vous offrir durant toute la semaine, le matin entre 6h et 9h. Et puis chez Audrey également qui fait son retour à l'antenne de Fun tous les jours entre 17h et 20h. On vous envoie du côté de Grimbergen, vous pourrez profiter des thermes, vous aurez un accès, une cure de désintox pour profiter de soins pour deux personnes, vous et la personne de votre choix évidemment, un accès aux thermes, des massages du corps ou encore vous pourrez peut-être repartir avec votre séjour, cure printemps déluxe pour deux en chambre supérieure avec petit déjeuner et massage. Tout ça, c'est des très beaux cadeaux pour profiter encore, pour prolonger un petit peu les vacances. Pour ça, envoyez dès maintenant beauté par SMS 6322, c'est 1€ par message. On a Stéphanie qui est avec nous par téléphone, qui a envoyé beauté justement en 6322. Comment ça va bien Stéphanie ce matin? Ah ben ça va bien, c'est encore mieux maintenant quoi. Bah ben oui, parce que j'ai une très bonne nouvelle pour toi Stéphanie, tu repars avec ton pack beauté, bravo. Ouais. Merci beaucoup. On t'envoie tout ça à la maison, ma Stéphanie. Comment on parlait d'école aujourd'hui justement, est-ce que toi tu es une fan de l'école? Je suis plus à l'école moi. Tu n'es plus à l'école? Depuis longtemps, oui. J'ai 34 ans donc je travaille maintenant. Ah oui, mais on s'en doute bien, mais qu'est-ce que tu détestais à l'école justement? Les maths, j'étais forte en maths mais j'aimais quand même pas quoi. Tu n'aimais pas les maths du tout? Non. C'est un peu mais le... j'avais mes points, hein, mais bon. Voilà, quoi. C'est quand même 80% des réponses qui reviennent. Les maths, tout le monde déteste. Bah c'est normal, en même temps. Ça prend la tête, hein. Mais ça prend la tête, il faut réfléchir déjà, et nous oui. Les jeunes on n'aime pas réfléchir. C'est vrai. C'est ça. C'est trop. Parce qu'après, on en a plus besoin dans la vie, quoi. On a les calculatrices, on a tout qui est à notre disposition. Et c'est mille fois vrai, c'est vrai, Stéphanie. On t'embrasse oui. En tout cas. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je te fais des bisous. À très bientôt. Demain, merci beaucoup. On se retrouve demain, Coralie, pour la dernière semaine de Summer Fun déjà. La dernière entre semaine. 6h et 9h. Et demain, on parlera de bouffe. Parce que tous les jours, dans l'émission, vous ne le savez pas, mais on parle de nourriture entre les musiques. Et Coralie, c'est une fan de bouffe. Et donc, demain, on va dédier une émission spécialement pour toi. On débattra entre le sucré et salé. Vous avez peut-être, vous, des conseils bouffe à nous, voilà, à nous donner. Par rapport au bon plat de l'été entre le sucré et salé, toi tu es plus pâte par exemple, ça on adore. Moi je suis plus sucré, voilà, on en parlera demain entre 6h et 9h. D'ici là, c'est Lloyd qui arrive sur Fun Radio avec plein de bons sons dancefloor. Ah oui, c'est mieux comme ça. Bah, c'est tout de suite plus facile en tout cas quand le son dancefloor est avec exactement, nous. Exactement, le son dancefloor jusqu'à 13h sur Fun Radio. On redémarre la semaine ici ensemble avec The Chainsmokers qui arrive dans un instant. Don't Let Me Down. Il y aura aussi Kid Cudi que j'étais recherché dans la discothèque Fun Radio avec Day Night. Et voici Jennifer Lopez. Bonne journée à tous sur Fun Radio. Together, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, wake up, arise and shine. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Radio, le son Dance Floor. Dance Floor. Dance Floor. Day and night. I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see, I don't attain. What I need for keeps this silly game we play. Now look at this. Madness, the magnet keeps attracting me. I try to run, but see, I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last. Cause day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. Stoner, Mr. Solo Dolo. He's on the move, can't seem to shake the shade. Within his dreams, he sees the life he made. The pain is deep. A silent sleeper, you won't hear a beep, beep. The girl he wants don't see no one in two. It seems the feelings that she had her through. At night, day and night, day and night. The lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. At night, at night, at night, at night, at night. Night. Hey guys, we are the Chainsmokers on Fun Radio, Les Sons Dance Floor. Don't let me down.